suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, on rediffuse Lascaux saison 4, un art quasi mort et très enterré. Une série de Perrine Kervran réalisée par Diffy Mariani. Au départ de cette série, il y a le nouveau facsimilé de la grotte de Lascaux, ouvert il y a un an, et ce petit bison gravé sur un os de renne et qui tourne la tête pour se lécher le dos. Et cette sensation étrange de bien-être qu'on peut avoir dans une grotte, loin de la lumière et du bruit, comme à l'abri, hors du temps, dans un endroit qui ouvre la possibilité d'une rêverie, comme un contact direct avec le passé le plus lointain. Et puis il y a aussi une fascination pour ces dessins, peintures et gravures que les hommes et femmes du Paléolithique ont posés sur ces parois, au plus profond de la Terre. Et enfin, l'envie de comprendre ce qui pourtant nous échappera toujours. Alors pour commencer, les personnages. Un archéologue en chaussures de marche et lampe frontale, l'autre en veste polaire, l'une dans un pull qui mêle la laine au cuir, un autre en chemise fleurie et lourde bague d'argent, et un mythologue à chapeau d'Indiana Jones et veste de velours. Ensuite le décor. Des chemins, des sentiers, des bords de rivière, des falaises de calcaire, des odeurs de thym, des choucas, un peu d'humidité, des grottes, des lourdes portes, d'épaisses grilles qui en protègent l'entrée et des voix qui résonnent. Aujourd'hui, deuxième épisode, c'est l'heure d'embarquer à bord du train fantôme. Alors, on va se montrer intelligent. Monsieur et madame, montez là. Et dans ce cas-là, on n'est pas nombreux, je vais me passer de micro. Nous deux, on va se mettre là. Nous sommes là dans une vraie grotte, donc un site archéologique fragile. Et il est important de ne jamais toucher les parois ou le plafond, même lorsqu'ils seront près de nous et faciles à atteindre. Pas de photos, pas de films au cours de la visite. D'avance, je vous remercie de respecter scrupuleusement ces quelques consignes. Les aventuriers du sens perdu. Ici Bertrand Poirot-Delpech qui vous parle de Roufignac, de la fameuse grotte de Roufignac, où ce matin, le professeur Nougier et M. Romain Robert, les inventeurs des dessins préhistoriques, ont entrouvert la porte blindée qui garde le nouveau trésor pour un certain nombre de journalistes parisiens et pour le micro de Paris vous parle. En Périgord, les cavernes sont nombreuses, souvent relativement petites. La grotte de Roufignac fait clairement exception avec 8 km de couloirs. Nous suivons le même itinéraire que les artistes préhistoriques dans la grotte. Et dans l'ensemble, nous voyons la caverne comme ils l'avaient découverte. Ces artistes préhistoriques dont nous allons découvrir les œuvres sont avant tout, il faut le rappeler, des hommes modernes. Cro-Magnon si l'on veut, mais plus sérieusement, Homo sapiens sapiens. Des gens qui ont notre intelligence, notre apparence physique et qui n'ont jamais séjourné là. Ces artistes de la préhistoire sont issus de groupes de chasseurs-collecteurs nomades qui vivent à l'entrée des grottes parfois, dans des abris au pied des falaises parfois, et souvent dans de simples campements de tentes ou de cabanes. Seuls quelques-uns viennent plus loin sous terre pour réaliser des images comme celles que nous allons découvrir maintenant. Après 1200 mètres, plus ou moins à quatre pattes dans l'argile, enjambés des ruisseaux et des creux, des bosses, des couchages d'ours, nous sommes trouvés en présence des fameuses figures, des figures controversées et qui, je dois le dire, nous sont immédiatement apparues comme de figures magnifiques. Pour un profane, le doute n'était guère possible. La grotte de Roufignac se visite en train. Un petit train électrique au bruit sympathique, dont le phare éclaire les dessins que l'on croise. Dans le rond de lumière apparaissent des animaux, comme tracés au fusain noir. On est assis deux par deux, sagement, sur nos banquettes. On parle en chuchotant, pris par l'émotion des apparitions, le froid, l'humidité et le choc un peu cocasse du petit train et des bisons millénaires. Nous sommes à présent à 700 mètres de l'entrée de la grotte, devant les deux premières gravures, Ce sont deux représentations de mammouths. Frédéric Plassard, préhistorien, propriétaire et guide de la grotte de Roufignac. Historiquement, ce sont ces deux-là d'ailleurs qui furent les premières repérées lorsqu'en 1956, on prenait conscience de la présence ici de figurations préhistoriques. Alors, ces deux gravures sont disposées face à face. On découvre sans difficulté une ligne de silhouette pour la trompe, la tête et le dos, les deux défenses, et quelques hachures pour le ventre de l'animal de droite. En réalité, ce sujet à droite est construit autour d'un petit nodule de silex qui figure l'œil. Puisque c'est un relief naturel de la paroi, c'est bien le point de départ de l'image. Au demeurant, le mammouth est à Roufignac l'animal le plus fréquemment représenté, 160 fois dans la caverne. C'est une surprise. De façon générale, l'art des grottes fait la part belle au cheval et au bison, tandis que le mammouth n'y a qu'un rôle un peu secondaire. Les hommes de ce temps vivent de chasse, de pêche, de cueillette. Pour autant, ils ne représentent pas dans les grottes les animaux qui leur sont le plus utiles dans le quotidien dehors. Nous savons qu'ils chassent préférentiellement le renne, que pourtant ils ne représentent pas beaucoup. Au Magdalénien, en Périgord, on ne chasse pas le mammouth, et pourtant, il est figuré. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas invoquer une hypothétique magie de la chasse pour expliquer cet art des grottes. Si l'on veut vraiment comprendre, il nous faudra chercher autre chose. Ils sont venus, là, dans ces grottes, seuls ou en groupe, peut-être avec les enfants. Ils sont venus exprès. Ils ont apporté de la couleur, des silex et des bâtons, des touffes de crin, peut-être de la mousse, un peu d'eau et de quoi faire du feu. Ensuite, certains ont peint, gravé ou dessiné et posé leurs paumes enduites d'ocre sur la paroi. Le paradoxe de l'art pariétal, c'est la proximité et l'éloignement. On pourrait passer le doigt sur ces gravures ou poser nos paumes sur l'empreinte de ces paumes. Mais ce sont des dizaines de milliers d'années qui nous séparent de ces tracés et de leur sens. Un sens qui toujours se dérobe et que l'on voudrait percer, pour voir si par hasard, un mythe n'est pas resté coincé dans la grotte. Elle est assez collante, hein. Tiens, là. Plus humide, je pense qu'elle sonnera, et plus crissante aussi. Je vais rajouter du sable. En fait, il faudrait se contenter d'un « on ne saura jamais », et ce serait très bien comme ça. On pourrait juste retrouver leurs gestes, ou même, pourquoi pas, juste en retrouver le son, pour donner de l'épaisseur aux images qui nous échappent. Alors, là, on a de l'argile, plus ou moins humide. Un exercice de style pour bruiteuse professionnelle. J'ai ramené du charbon aussi, parce que forcément, j'ai ramené des plumes aussi, des coquillages. J'ai ramené des écorces de bois aussi. Vous m'entendez là ? Oui. Oui. On va essayer de doser l'ambiance grotte. Ok, bon, bah moi je ressors. Je quitte la grotte. Et je ferme le studio. Hop, ça y est, elle est enfermée. Mettre les micros un peu plus ouverts, ils sont au sol, là. Enfin, ils sont vers le sol. Alors attention, je vais bouger les micros. Au début, donc, quand ils ont accepté l'art préhistorique, évidemment, ils se posent la question, pourquoi ? Jean-Claude, archéologue. Alors, il y a eu l'hypothèse de l'art gratuit. Ben, ils dessinaient parce que l'homme et la femme, hein, est naturellement artiste, aime dessiner, donc ils dessinaient. Quoi, voilà, bon. Et comme ils habitaient dans les entre-grottes, ils allaient dessiner dans les grottes. Bon, on s'est aperçu que ça ne tenait pas la route. Ça, c'est l'art pour l'art. Bon. Alors, après, il y a eu d'autres hypothèses. Et l'hypothèse qui a tenu la route pendant longtemps, hein, jusque dans les années, au début des années 60, disons, c'est l'hypothèse de la magie de la chasse. Et cette hypothèse, elle avait été proposée par un grand préhistorien, il s'appelait Salomon Reynac. Et puis ça a été repris par l'abbé Breuil. Et c'est l'abbé Breuil qui l'a vraiment approfondi. Et cette hypothèse-là, c'est eux qui l'ont vraiment développée. Bon, donc ils faisaient les dessins parce qu'ils envoûtaient les animaux. et ça favorisait la chasse. En gros, c'est ça. Et puis, il y a eu le roi Gourin. Même déjà un petit peu avant avec Max Raphaël, mais surtout fin des années 50 avec Annette Lamy-Grandpère et puis André Leroy Gourhan. Julien Monnet, archéologue. Et cette manière de voir les choses, c'est une manière de voir qui est d'ordre sémiotique et structuraliste. C'est-à-dire que plutôt que de voir un bouquetin, on va voir que cette image n'est pas forcément qu'un bouquetin, mais qu'elle peut renvoyer à d'autres choses, à des idées, à des concepts masculin ou féminin, et qu'en plus, elle est susceptible de se situer par rapport à d'autres images. Est-ce qu'il est à l'entrée de la cavité? Est-ce qu'il est au fond? Est-ce qu'il se situe sur les panneaux centraux ou au contraire autour, dans un ensemble qui puisse être structuré comme le langage? Le sujet n'est plus forcément isolé, il fait partie d'un ensemble. Et toute l'interprétation de l'art pariétal paléolithique a longtemps été marquée par cette vision. J'ai essayé... Enfin, je suis parti de l'inventaire des sujets, d'abord. André Leroy Gourhan, en 1970. Comment vous avez opéré, alors? Eh bien, j'ai relevé les figures sur les plans de la grotte et j'ai monté un dispositif de fiches à perforation pour enregistrer, d'une part, les sujets, d'autre part, leur position topographique. C'est-à-dire que chaque animal a un numéro, et chaque grotte a un numéro aussi. À une lettre. Si je veux voir le mammouth... Ben, si on veut voir le mammouth, c'est très simple. Ah, c'est par rapport au numéro 4. Hein, et nous allons voir descendre tous les mammouths peints sur des parois en Europe. Voilà, là, nous avons la sélection... Il y a encore quelques mammouths et quelques citrons. Oui. Si je veux voir les bisons, est-ce que je peux vous demander? Les bisons, vous avez assisté à une catastrophe, parce qu'il y en a pratiquement partout. Voilà à peu près ce qu'on peut tirer de cette méthode. Mais pourquoi vous n'avez pas confié à un ordinateur? Parce qu'on n'utilise pas les marteaux pilons pour écraser les noisettes. C'était un grand ethnologue. Il était connu d'abord comme ethnologue. Il a été connu après coup comme préhistorien. Et lui, il a dit non, on ne peut pas faire d'ethnologie avec des peuples disparus depuis 15 000 ans. Il dit, c'est pas possible. On peut l'étudier, mais on ne peut pas extrapoler. Il y avait eu tellement d'excès dans l'autre sens, si vous voulez, que lui, il est allé à l'autre bout. Il a dit non, pas d'ethnologie appliquée à l'art préhistorique. Et le roi Gourhan, il a été prof au Collège de France pendant un bon nombre d'années. Il avait toute une équipe au Musée de l'Homme, etc. Il a formé des disciples. Et les disciples, en général, sont beaucoup plus formalistes que le maître. Les grands maîtres, ils peuvent changer d'avis. Les disciples, c'est beaucoup plus difficile. Moi, je vais vous donner un exemple où Leroy Gourhan avait changé d'avis. J'ai fait des fouilles que j'ai faites avec Robert Bégoin, à 20 km d'ici. On trouve... une plaquette gravée, une gravure. Et c'était évident, enfin à mon avis, qu'il y avait, c'était un accouplement. Un homme qui s'accouplait avec une femme par derrière. Alors, Leroy Gourhan avait dit, dans ses livres, et en particulier dans son grand livre qui a été publié en 1965, il n'y a pas une seule scène érotique dans l'art préhistorique. Bon. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va dire? Alors, je lui ai porté... à Paris, j'ai amené la plaquette. Et alors, je lui ai dit, voilà, monsieur, la découverte que vous avez faite, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il l'a regardé, puis il a souri, et il me dit, dans mon livre, j'ai dit qu'il n'y avait pas une scène érotique dans l'art préhistorique, et maintenant, il y en a une. Je ne suis pas sûr que certaines de ses disciples, je n'en aurais pas de nom, aurait eu la même réaction, vous voyez? Il a changé d'avis. Pour revenir à la question technique tout à l'heure des temps de parcours, il faut remettre ça en perspective avec ce qu'est finalement l'éclairage avec une lampe à graisse. Gros comme le point de Grèce, c'est 3/4 de lumière si on n'est pas très attentif. On peut faire mieux que ça, on peut être plus économe. Ça signifie que finalement, venir là avec une besace, un petit sac à main, c'est avoir une demi-journée d'autonomie. Une 40aine de minutes pour atteindre le grand plafond, autant pour en revenir, ça laisse 2 heures pour faire des images, si on le souhaite. Alors évidemment, ça c'est une réponse technique, parce que j'ignore tout de ce que implique la réalisation d'une image. Est-ce qu'il faut se mettre en méditation 1 heure avant de dessiner? Est-ce qu'il faut jeûner 2 jours après? Bon, c'est évidemment de la préhistoire fiction qu'on fait là. Mais techniquement, la fréquentation de la grotte pour la réalisation des images pourrait ne relever que de quelques dizaines d'heures de présence dans la caverne. Le monde souterrain, d'après toutes les traces que l'on a, n'était pas inconnu pour eux. Ils n'avaient pas l'air d'avoir particulièrement peur de s'y aventurer. Jean-Michel Genest, archéologue. On a dans des grottes ornées ou non ornées des traces de fréquentation intentionnelle. Et là, tous les recoins des galeries semblent avoir été explorés. Il y a des traces ou de pas, ou de charbon de bois, de marquage de torches sur les parois. Donc les hommes recherchaient, fréquentaient ce milieu. Pas forcément pour y vivre, puisqu'il y a très rarement, mais il y en a des traces d'occupation profonde, avec des feux, du foyer, quelques activités. Mais en tout cas, il semblait, dans un certain nombre de cas, rechercher ces espaces pour ces modes d'expression graphique, cette expression sur les parois qui était communication, jeu libre et profane de croyances, ou au contraire, espace collectif de transmission de savoir dans des espaces a priori déterminés comme sacrés, parce que singuliers, particuliers, retirés du monde, dans l'obscurité, et ils avaient tous les éléments techniques pour le faire. Ils maîtrisaient le feu, ils utilisaient les torches, probablement aussi les lampes à graisse. Ils savaient faire des foyers sur le sol. Ils emportaient des besaces avec des outils en os, en ivoire et en silex. Ils pouvaient rentrer de la nourriture, des animaux. Ils étaient capables de creuser, d'extraire de l'argile, de prendre de la couleur. Ils ont fait des tas de pierres. Il n'y a pas que l'art sur les parois, il y a aussi d'autres activités. Réaliser des cercles, des amoncellements de pierres, sélectionner des blocs, des stalagmites, creuser dans l'argile avec les doigts, faire des boulettes de pâte dans un certain nombre de grottes, de faire des boulettes d'argile et mettre des silex à l'intérieur, de faire des silhouettes animales et d'enfoncer les doigts ou des bâtons, de les piquer, de modifier des blocs pour canaliser de l'eau. Des activités qui peuvent être interprétées comme utilitaires, liées à la vie, ou bien peut-être simplement symboliques, ou peut-être du jeu, de l'activité. Donc ils ont exprimé dans ce milieu une diversité de manifestations qui sont conservées, vraisemblablement beaucoup d'autres immatériels qui ne nous sont pas transmises, la musique, les danses, les chants, les histoires racontées en regard de ces œuvres qui ne peuvent pas être imaginées seules. Donc vous voyez, ils avaient quand même une aisance de fréquentation en groupe. On a beaucoup de pieds d'enfants dans les grottes ornées paléolithiques. Et de pieds d'enfants, vraiment de jeunes enfants. Hein. Donc tout, le groupe dans son entier y était. Les adultes, qui, puisqu'on a leurs marques d'activité, et puis les pas de tout petits enfants qui vont n'importe où dans la grotte et qui étaient apparemment nus, parce qu'on voit les corps se rouler, on voit des traces de genoux, de talons, de fesses, ou que sais-je. On n'a pas beaucoup de traces de vêtements, comme si tout le monde posait ses vêtements quand on rentrait dans cet univers plutôt agréable et peut-être plus tempéré, clément et accueillant que l'univers extérieur, puisqu'on est en période glaciaire. L'histoire du chamanisme, c'est l'idée que ces dessins étaient faits par des gens qui pratiquaient une religion de type chamanique. Moi, j'avoue que je ne me suis pas tellement intéressé à ces choses-là jusqu'à il y a, je ne sais pas, peut-être 25, 30 ans, vous voyez. Là, il y a eu, je crois que c'était en 88, que deux collègues sud-africains David Louis Williams et Thomas Dawson ont fait un gros article dans une revue internationale. Moi, j'ai lu cet article, ça m'a intéressé. Je me dis, tiens. Et Louis Williams, je le connais. Et chaque fois que je le voyais, à un congrès, on discutait. Et chaque fois, moi, je lui posais des questions. Je lui dis, mais attendez, Chamalin, vous croyez que le type était en transe quand il faisait ses essais? Il dit, non, pas du tout. Et puis, j'ai eu une idée. David, je lui dis, je vous invite. Vous venez en France. Et tous les jours, on va voir une grotte, ou deux. Et on verra ce qui en sort de nos discussions. Et alors, on l'a fait. Et puis, il en est sorti un livre, Les chamans des cavernes, je crois. Il est sorti en 96. Et à ce moment-là, j'ai été très surpris parce qu'il y a eu des polémiques. On a été attaqué. Moi, j'étais attaqué comme je n'avais jamais été de ma vie. Mais vraiment attaqué hein, par des collègues. Mais mes chamans même, hein, ce qui m'étonne. Hein, parce que bon... que les types fassent du chamanisme il y a 30 000 ans ou qu'ils n'en fassent pas, franchement, il n'y a pas de quoi se taper dessus. Hein. Bon, j'étais surpris. Alors, la théorie, c'est que... c'est une théorie, effectivement, hein, on n'a pas la preuve. Hein. La théorie, c'est que les gens de l'époque avaient une ou des religions de type chamanique. La différence majeure avec les autres religions, c'est que dans le chamanisme, les gens croient qu'ils entrent en contact direct avec le monde surnaturel. Par exemple, ils ont représenté les animaux dans les grottes en utilisant des contours naturels. C'est-à-dire que pour eux, l'animal était dans la roche. Il était à moitié sorti de la roche, on dessinait. Et ça, c'est une idée que vous trouvez pendant 25 000 ans. Hein. C'est pas... Vous le trouvez à la grotte de Nyon, vous le trouvez à Chauvet. Donc eux, ils pensaient que les animaux, ils étaient là. Ils étaient déjà. Ils étaient immanents dans la grotte. Là, on est très près du chamanisme, hein. On les touche, vous voyez. Alors, d'autre part, le chamanisme, c'est la religion de base des peuples chasseurs-cueilleurs. Et on l'a dans le monde entier. Alors, quand vous vous tournez vers des peuples chasseurs d'il y a 25 000 ans, ben, si vous voulez, vous avez beaucoup plus de chance que ce chamanique que n'importe quoi d'autre. Ça, c'est clair. Moi, c'est pour ça que je dis que c'est l'hypothèse la plus plausible. Et je suis prêt à en adopter une autre, si on m'en sort une, qui est plus plausible que celle-là. Pour ma part, je suis de ceux, juste pour une perspective d'ouverture, qui pensent que l'on doit aujourd'hui reconsidérer les données de l'ethnologie et que l'on a suffisamment de dizaines, de centaines d'exemples où les sociétés ont été enregistrées, observées, et on sait qu'elles produisent dans ces espaces naturels, en grottes, en plein air, dans des falaises, pour des raisons très variées. Elles marquent le paysage, elles inscrivent leurs pensées ou une partie de leurs croyances dans le paysage pour les transmettre, mais vraisemblablement pour s'approprier l'espace. Il y a un rôle très important de l'espace, du lieu et de l'intentionnalité d'inscrire à un endroit. Donc vraisemblablement, une affiliation culturelle entre des groupes et un lieu. Ici, le lieu grotte Chauvet dans les gorges de l'Ardèche et les autres grottes a un sens que ne va peut-être pas avoir les grottes qui sont dans la vallée de la Vézère autour de Lascaux, ou celles de la région cantabrique autour d'Altamira, ou celles des Pyrénées centrales autour de Niaux. Là, on est vraiment au sommet du rond pointu. Le rond pointu, ça veut dire le rocher pointu. C'est vraiment le tout dernier méandre des gorges. Et puis, c'est aussi une concentration assez particulière en grottes ornées. Ce qui fait qu'il y a la tête du lion, la grotte de la tête du lion, qui se trouve juste là-bas en face. Et sinon, il y a plusieurs cavités qui se trouvent légèrement plus en aval. Et notamment la grotte Chabot, qui est juste dans un bosquet, dans l'angle de la rivière. Et de l'autre côté, dans le virage, il y a la grotte du Figuier. Et en dessous de nous, se trouve la grotte des Deux Ouvertures. Elle est sur une vire, à une vingtaine de mètres au-dessus de l'Ardèche. Et puis sur cette même vire, il y a une autre grotte ornée, encore une petite, qui est la grotte Huchard. Donc tout ça fait vraiment un ensemble qui est assez dense. Alors aujourd'hui, clairement, on peut réfléchir à ces sites comme faisant partie ce qu'on peut appeler des complexes de sites. C'est-à-dire que souvent, on a eu tendance à réfléchir les grottes ornées en dehors de leur environnement et à oublier qu'elles sont en lien avec tout ce qui se trouve à l'extérieur. Les autres cavités, mais aussi la présence d'eau, la présence de figures topographiques proéminentes, c'est-à-dire des formes naturelles qui sont visibles dans l'environnement. Et typiquement, le rang pointu est très visible. Lorsque vous remontez l'Ardèche, vous le voyez tout de suite. Et tout ça forme un ensemble. Et cette concentration, elle répond quelque part à une autre concentration qui est celle du premier méandre à l'entrée des gorges. Et ce premier méandre, c'est la Combe d'Arc avec la grotte Chauvet et d'autres petites cavités qui sont alentour. Les archéologues sont des arpenteurs. Ils travaillent en plein air. Ils marchent, ils escaladent, ils rampent, ils campent, ils creusent. Ils ont de bonnes chaussures et on ne les prend pas au dépourvu. Ce sont des scientifiques tout-terrain qui connaissent le sens des paysages et peuvent en lire l'histoire dans les reliefs. Très souvent, ils glissent leurs pas dans ceux de nos lointains prédécesseurs, se cognent aux mêmes bosses et butent sur les mêmes pierres. Là, c'était en octobre. Il faisait encore beau. On suivait Jean-Michel Geneste sous un joli soleil d'automne. Il nous emmenait à travers la petite plaine du Pont d'Arc, encadrée de hautes falaises grises et où serpente l'Ardèche. La lumière qui est juste sur la vire, là. Oui, ce passage. Dans le spot de lumière, là, vous voyez la structure naturelle qui est inscrite dans la roche. C'est un passage. La roche est plus fragile à cet endroit-là. Donc il y a cette espèce de structure naturelle qui suit une fragilité de la roche et qui part en oblique, qui va de la vallée, qui va monter sur le plateau. On va la suivre tout le long et c'est le chemin qui en fait conduit à la grotte. Parce que la grotte, elle est édifiée sur une de ces fissures. Puis vous voyez, vous avez des grottes partout. Hein. Sur cette grande falaise qui fait environ 100 mètres de long sur 500 mètres de large, il y a toutes ces taches noires. Et ici, sur le côté, là, regardez ici, vous en avez plein de grottes aussi. Presque toutes étaient occupées par l'homme en fonction de leur accessibilité. La grotte Chauvet particulièrement parce que c'est la plus grande de tout le secteur. Bon, on y va, on attaque la grimpette. Il faut imaginer à la période de l'occupation de la grotte, donc il y a 36 000 ans, l'arche que l'on appelle le pont d'Arc. Et ça, c'est un élément marqueur du paysage. Pour des populations européennes, il n'y a pas énormément de grandes arches comme ça. Donc il est facile de les mémoriser, de les désigner, de les inscrire dans une tradition orale, dans un récit, de les transmettre de génération en génération, associés à tout le corpus de croyances et de traditions orales nécessaires à la survie des groupes, à la cohésion sociale, au rituel, tout ce qu'on peut imaginer. Oui. On va traverser une cinquantaine de mètres de petites forêts de chênes verts, vous voyez, avant d'attaquer vraiment l'escarpement. Et là, on est dans les boulis, c'est-à-dire toutes les pierres que le climat a détachées de la paroi et qui forment le pied du versant. On s'élève assez vite parce que la pente est assez escarpée. C'est quoi ces oiseaux qu'on entend ? C'est des chocards. Une sorte de corneilles, de petits, très petits corbeaux. Caractéristiques avec un œil blanc ou jaune qui vous regarde. Et qui étaient aussi présents au Paléolithique. On en retrouve pas mal de squelettes dans les gisements, dans les sites archéologiques de la région. Donc en haut de cette vire, vous voyez, on arrive au niveau de la grotte Chauvet. Il y a plusieurs grottes et cavités qui affleurent ou qui débouchent à cet endroit, telle celle-ci, la grotte du Treuil. Et au bout de la passerelle, il y a l'entrée de la grotte Chauvet. Donc, on y va. Oui, alors je l'ai visité le 29 décembre 1994, c'est-à-dire une quinzaine de jours après la découverte par les spéléologues. Donc on est monté à cette grotte, on est passé par la chatière d'entrée qu'ils avaient trouvée, Et ce petit trou était épouvantable parce qu'il était étroit, il tournait, il descendait, il remontait. Bon, et on coinçait, quoi. Et alors, après, on descendait une dizaine de mètres avec une échelle spéléo dans la grotte. Et là, ce qui m'a frappé, moi, numéro un, c'est ce sentiment d'une grotte vierge. C'est-à-dire, elle est fraîche, vous voyez tout scintille sous les lampes, les couleurs sont vives, etc. Bon, une grotte très très bien construite, et une grande grotte. Alors, quand j'ai débouché, j'ai mis le pied à terre, ils ont éclairé un panneau, les spéléos, où il y avait des gros points rouges. Et maintenant, on sait, on l'a étudié, ça, ces points rouges, ils ont été faits en mettant de la peinture sur la paume de la main et en appliquant la main contre la paroi. Et ça fait une grosse tache rouge. Des centaines de taches rouges qui évoquent des silhouettes animales ou pas. Des signes, et puis des œuvres qui progressivement, dans des panneaux, deviennent figuratives, avec toujours des poings, des mains, et puis des rhinocéros, des lions, des ours qui apparaissent, qui sont dans des espaces déterminés, dans des niches, dans des alcôves. Donc on voit une appropriation très intentionnelle de l'espace qui est émouvante. Et alors là, je suis allé de surprise en surprise, hein, parce que je ne m'attendais pas du tout à quelque chose d'une telle ampleur. Et avec ces magnifiques panneaux, avec des tas d'animaux. Et voilà. Et puis après, c'est le panneau des chevaux, où là, j'ai été ému, parce qu'ils sont fabuleux, ces chevaux. Et j'ai eu les larmes aux yeux, vraiment, ça ne m'arrive pas souvent. Mais j'étais très ému, j'ai eu les larmes aux yeux. Bon. Lions, chevaux, rhinocéros, aurochs, cerfs, rennes, bisons, bouquetins, et on continue. Toutes les espèces animales sont présentes et elles sont rassemblées. On a l'impression qu'on est dans un dispositif où il y a une histoire qui se raconte et qu'on participe, on chemine au sein d'une histoire. Ce qui me frappe le plus à Chauvet, c'est le mouvement. Où on passe d'un espace faiblement orné à un autre qui est totalement vide, puis à un espace un peu plus orné, à un autre de nouveau vide, etc., etc., pour aboutir au final dans la salle du fond qui est extrêmement dense à tout point de vue. Et puis, on est allé dans la salle du fond où il y a ce panneau splendide de lions. Qui chasse des bisons, vous voyez, entre autres, hein, parce qu'il y a des rhinocéros, etc. Et là, ça... C'est vrai que cette sensation est vraiment celle de cette montée en puissance vers un lieu terminal d'où tout émerge en plus. Et puisque là, il y a près de 80% des représentations animales qui sont tournées vers la sortie dans cette galerie du fond. On imagine bien qu'il doit y avoir quelque chose pour que tous remontent. Et on a cette fameuse scène où l'on voit des félins se jeter sur un troupeau de bisons qui revient vers le spectateur. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on me raconte une histoire. Que cette histoire, elle est forcément mythologique. D'un côté, on a quoi ? On a des lions qui se jettent sur un troupeau de bisons. Et de l'autre côté, on a un bassin de femmes associé à un bison et un félin. Carole Fritz, archéologue. Pour moi, c'est la vie et la mort. C'est-à-dire que d'un côté, on a la mise à mort et de l'autre côté, on a justement ce bassin de femmes qui donne la vie, en plus, dans une grotte. On est dans le symbole, là. Voilà. Et on est au plus profond de la terre avec un bassin de femmes et une mise à mort. Donc pour moi, ce sont des images qui se répondent. Et dans les grottes ornées, on a trop pris l'habitude d'étudier les panneaux les uns après les autres, sans les repositionner dans un environnement beaucoup plus global, qui est d'abord une salle, et que ces panneaux, et bien peut-être que les histoires, elles se répondent de panneau en panneau dans la salle, et que ça soit l'environnement de la grotte, mais aussi prendre en compte l'environnement extérieur, puisque certainement, ce sont, au travers de ces images, ce sont des histoires d'hommes qu'on nous raconte, donc on ne peut pas dissocier tout ça. L'extrême majorité des figures d'Achauvet sont animées, c'est-à-dire elles restituent des mouvements qui sont évidemment qui se basent sur des mouvements perçus dans la nature, qui peuvent être des mouvements un peu expressionnistes par moments, etc. Et elles sont là pour restituer des moments de vie, pour donner une impression de vie, de dynamique. Marc Azéma, archéologue. C'est un art en trois dimensions qui était perçu en trois dimensions. Il faut circuler dans la grotte pour voir les images sous différents angles pour s'en convaincre. Donc les artistes de la préhistoire ont tenu compte de ça, ont joué sur ces facteurs-là, la lumière, etc., etc. Et moi, ce que j'ai toujours cherché à faire, c'est d'essayer de décrire le plus précisément les figures. Et il se trouve que donc, effectivement, ces mouvements, à force de les observer, je me suis rendu compte qu'on pouvait les classer, que ces mouvements pouvaient donc refléter des comportements précis, que ces comportements précis, ils pouvaient avoir un caractère individuel, mais également collectif, c'est-à-dire qu'ils pouvaient s'associer entre eux. Par exemple, un bison qui charge pouvait être associé à un bison sur la défensive, donc c'est-à-dire une phase préalable à l'affrontement. Un lion en train de galoper pouvait se retrouver à proximité d'un bison en train de s'échapper, etc., etc. Donc on voyait bien qu'il y avait des choses qui pouvaient coïncider. Je me suis rendu compte que ces séquences, par exemple, d'affrontement ou de chasse, etc., pouvaient aussi s'associer entre elles. Et donc là, à partir de là, on avait ce qu'on peut appeler un assemblage séquentiel. Donc une capacité très tôt chez les artistes premiers, les artistes de la préhistoire, à représenter le mouvement, à travers ça, à traduire de la vie, et à pousser très très loin cette représentation du mouvement, quasiment dans ses derniers retranchements, en restituant finalement le temps à travers des mouvements décomposés. On va graver peut-être justement, on va profiter du silex. Et après, est-ce que tu peux imaginer que tu fais une forme d'animal vraiment? Plein de petits traits, comme si tu faisais une petite crinière de cheval. C'est la petite crinière en brosse. C'est vrai qu'elle essaye par terre. Ouais, elle pourrait graver sur les pavés au sol peut-être, ouais. Ah bon? Ah ben très bien alors, du coup, je voulais le faire d'un seul geste, c'est pour ça que j'ai essayé. Je vais le faire plusieurs fois et je parle pas, comme ça vous garderez ce que vous voulez. Sur les parois ou sur certains objets, vous avez effectivement des animaux qui sont pourvus de plusieurs pattes, de plusieurs queues, de plusieurs têtes. À Chauvet, traditionnellement, vous avez un bison à 8 pattes, à proximité du célèbre panneau des chevaux. Vous avez, un peu plus loin dans la salle du fond, vous avez un renne avec 6 pattes. Vous voyez. Puis après, vous avez cette sensation, à certains moments, le panneau des chevaux, par exemple, vous avez 4 têtes juxtaposées qui donnent une impression de mouvement. Par contre, voilà, une des questions qu'on me pose souvent, on me dit, mais est-ce qu'on utilise un éclairage pour animer ces images? Mais je pense que c'est beaucoup plus un procédé graphique. Vous avez vu des bandes dessinées avec Popeye ou je ne sais rien, avec 6 ou 7 pattes, un personnage avec 6 ou 7 pattes, vous n'arrivez pas avec un briquet sur la bande dessinée pour faire bouger les pattes. C'est une convention graphique, vous avez très bien compris que les 6 pattes, elles définissent le mouvement décomposé. Ça provoque une image mentale. Ces 6 pattes, telles qu'elles sont perçues en tant que telles, par contre dans votre cerveau, il y a quelque chose qui décode, qui dit voilà, la représentation restitue un mouvement rapide, c'est-à-dire un galop, un saut, etc., etc. Qu'un Europeus ou Alpinus? Si on veut, le Javanicus, mais le Javanicus, mais non, c'est l'Alpinus, et Europeus a toujours été décrit comme l'Alpinus du Pléistocène supérieur. Ça, oui. Puis avant, il y a le Priscus, quoi, qui est la forme du Pléistocène moyen. Il me semblait que j'avais regardé. Quand les archéologues travaillent dans la grotte Chauvet, c'est au cours de campagnes qui durent quelques semaines et pendant lesquelles ils vivent tous ensemble dans une base de loisirs désertée hors saison et qui leur sert aussi de laboratoire. C'est un peu comme une colonie de vacances, chaleureuse mais studieuse, avec des réfectoires, des douches et des salles de classe. Qui nous concerne? Les deux. Les deux. Et là, sagement assis sur des chaises d'écoliers dans un préfabriqué, ils décryptent pendant des heures les photos prises dans la grotte et se penchent sur les empreintes qu'ils ont pu relever sur le sol. Et là, j'ai toujours pas trouvé des empreintes de curon, quoi, en comparaison. Ouais, mais alors là, par contre, avec une vertèbre caudale. Nous, aujourd'hui, dans la grotte Chauvet, nous avons surtout passé du temps à. C'est un peu ambitieux, mais à désapprendre le système théorique et à mettre à plat toutes les données objectives et à décrire pendant 20 ans ce qu'il y a dans cette grotte. Et par exemple, nous sommes à la veille de publier des ouvrages à caractère monographique où on va présenter l'état des lieux. Qu'est-ce qu'il y a dans cette grotte? Où sont les œuvres? On présente les cartes, les données, les mensurations, la visibilité, de manière à ce que tout le monde puisse juger de quel point de vue on parle et qu'est-ce qu'on peut interpréter. On voit donc que sur le temps long de la préhistoire, on va avoir du mal à proposer une interprétation qui concerne un instantané de cette période. Mais on a plutôt la perception de l'art rupestre sur le temps long, c'est-à-dire sur son résultat, une paroi qui ornait, ou pendant vraisemblablement de longues générations, peut-être des centaines d'années ou des millénaires, des groupes viennent toujours raconter presque la même histoire, ou peut-être des histoires différentes, mais avec les mêmes outils langagiers, avec la même sémiologie, avec le même dispositif cognitif et avec les mêmes aptitudes socio-culturelles à partager la tradition orale, à construire les mythes. Oui, il y a une certaine homogénéité, mais on peut l'expliquer par la permanence des croyances. Et je vais vous donner une preuve. C'est une grotte qui se trouve en Espagne, à l'ouest de Valence, qui s'appelle le Parpaillot. Et cette grotte, elle est très curieuse parce que vue à distance, à quelques centaines de mètres, on dirait un sexe féminin. Mais vraiment. Hein. Et alors, cette grotte, peut-être pour cette raison ou une autre, en tout cas, elle a servi pendant des milliers d'années de sanctuaire où les gens allaient déposer des plaquettes de pierre gravées ou peintes et qui couvrent une période au minimum 13 000 ans. Ils en ont trouvé 5 400. Dans les grottes voisines, il n'y en a pas. À cet endroit-là. Donc là, vous voyez la preuve. Pendant 13 000 ans minimum, ça a été une espèce de lourde, si vous voulez. Alors, que des croyances dures. Vous savez, leur mode de vie ne change guère rien. C'est quand les modes de vie changent de façon drastique que les croyances changent. Mais c'était très impressionnant, cette grande stabilité culturelle, sur des grands espaces, mais en même temps d'observer que des thèmes, des formes, la manière de représenter un cheval, il y a 25 000 ans, que vous soyez dans le sud de l'Espagne ou dans la plaine russe, vous allez voir les mêmes manières de représenter un cheval, les mêmes formes de représentation des corps humains féminins sur des statuettes. Elles sont la même des Pyrénées jusqu'à la vallée du Don, ou en Sibérie, vous imaginez? Et le but, là, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qui peut passer de moins 40 000 à moins 10 000 et qu'est-ce qu'on peut imaginer qui passe. Alors, évidemment, c'est une goutte d'eau dans l'Atlantique, et encore une goutte, une micro-goutte, parce que ça s'arrêtera là. Le comparatisme, oui, on va trouver des images, notamment la symbolique autour du corps de la femme, qui est très important, 4,5% hein, l'image humaine. Mais bizarrement, on retrouve toujours, à un moment donné, un corps de femme. Voilà. Et ça, c'est très important. Moi, la question que je me pose, c'est des sociétés où il n'y a que très peu d'images anthropiques, où c'est l'animal qui domine, et bizarrement, l'image humaine majoritaire, malgré tout, c'est le corps des femmes. Quel type de société peut produire ça? Alors là, on a des grosses discussions parce que, évidemment, la discipline dans laquelle je travaille est très largement dominée par les hommes, qui imaginent plutôt des sociétés très fortes en puissance masculine. Moi, je ne suis pas tout à fait sûre de ça. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que c'est tout l'un ou tout l'autre. Mais je pense qu'à partir du moment où le corps de la femme, sans être idéalisé, mais se retrouve au centre hein, d'une salle à moins 36 000 ans face à des panneaux majeurs, je pense qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire, on connaît des sociétés matriarcales, on connaît des exemples autres que ce qu'on veut nous imposer comme idée sur l'organisme social du paléolithique. Quoi. Et ça, je pense qu'il faut revoir tout ça et le repenser avec d'autres paradigmes. Oui, c'est-à-dire, ce n'est pas nos sociétés qu'on plaque sur le paléolithique. Et notre difficulté, c'est d'imaginer autre chose. Quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est carrément, je pense, c'est pour le moment impossible, je pense. Autant on peut discuter à perte de vue sur la signification des œuvres, et comme je dis, il faut bien garder toujours en mémoire le fait qu'on ne la retrouvera jamais, qu'on ne trouvera jamais une explication originelle, bon, s'il y en a une d'ailleurs. Autant ça n'empêche pas d'essayer de s'approcher du sens global. Jean-Loïc Lequelec, mythologue. Toutes ces images avaient à voir avec des discours. Évidemment que les gens qui réalisaient ces images en parlaient, que ces images peut-être étaient associées à des rituels, peut-être, pas toutes, mais au moins certaines, associées à des discours, et donc étymologiquement, au sens propre du terme, elles étaient associées à des mythes. Alors on peut essayer, espérer, imaginer, retrouver quelque chose de ces mythes perdus. Bon, le paléolithique, ça veut dire, de toute manière, que c'est les premiers dessins de l'humanité. On sait que ce qui fait une des spécificités de l'art paléolithique, c'est justement la thématique et la perduration de cette thématique sur autant de temps, entre moins 40 000 et moins 10 000 ans. En termes de génération, on a du mal à estimer ce que c'est, mais c'est monstrueux. Il faut aussi penser qu'il y a plus de temps qui sépare Chauvet et Lascaux que Lascaux et nous. C'est juste... On a une stabilité thématique. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui fait que ce soit possible? Bien sûr qu'il y a une évolution sur ces périodes. Mais malgré tout, on va toujours trouver des félins, des bisons, des mammouths, des chevaux, des bouquetins. On n'aura toujours pas de scène de la vie quotidienne, on n'aura toujours pas de représentation très réaliste de l'humain. L'humain ne représente que 4,5% de la totalité du corpus, surtout le paléolithique. Ça veut dire que l'image humaine, elle est en retrait de l'image animale. Et au travers de ces images et de cette pensée symbolique, parce que c'est une pensée symbolique, essayer de comprendre comment ces humains se projetaient et qu'est-ce qu'ils projetaient sur cette paroi. Et bon, on est plusieurs à penser, mais moi je suis plutôt vers une mythologie. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de population, chasseurs, cueilleurs, collecteurs, etc., sans écriture, qui n'ont pas de mythologie. Ça, c'est pas moi, hein, c'est les anthropologues qui l'ont démontré, etc. Donc, je pense que les paléolithiques, ce qu'ils nous mettent, c'est leur mythologie. Et ces mythologies, dans ces populations, les mythologies, elles servent à quoi? Elles servent à organiser la vie, elles servent à dire, on vient de là et on va vers ça. Et c'est la mythologie qui donne les règles, qui organise la société. Le problème, c'est comment étudier des mythes alors qu'on n'a plus la tradition orale, on a juste les images. Donc, on n'aura jamais l'histoire. Mais on essaie, grâce à ces études, de comprendre ces constructions et d'essayer d'émettre des hypothèses. Il me semble, moi, que les préhistoriens, avec les moyens de la préhistoire, avec les stricts moyens de la préhistoire, ou les archéologues, avec les stricts moyens de l'archéologie, ne pourront jamais retrouver le sens, le mythe, c'est-à-dire les discours associés à ces images. Parce que tout simplement, les paroles ne se fossilisent pas, on ne les retrouve pas en fouille, ça ne faut pas rêver. Bon. Comment faire pour les retrouver? Est-il possible de les retrouver par d'autres moyens? En faisant de la mythologie comparée, maintenant, on arrive à remonter très loin dans le temps, et on arrive à remonter jusqu'au paléolithique. Il y a des techniques, maintenant, empruntées notamment à la phylogénétique, qui permettent de remonter dans le temps à partir de textes mythiques. Voilà. Et avec des techniques, bon, il faudrait évidemment expliciter un peu plus, mais disons qu'ils sont des techniques empruntées à des sciences dures, connexes, qui sont notamment la phylogénétique, notamment des techniques statistiques, aussi des techniques aréologiques. On peut remonter dans le temps suffisamment haut pour trouver, non pas le mythe tel qu'il était raconté, parce que ça c'est jamais, hein, mais disons l'idée d'ensemble d'une mythologie contemporaine des gens qui ont fait ces images. On peut montrer qu'à l'époque du paléolithique supérieur, grosso modo à l'époque à laquelle la plupart des images des grottes ont été réalisées, tant gravures que peintures, le grand mythe qui était omniprésent, c'est le mythe de l'émergence de l'humanité et des animaux. C'est-à-dire que c'est un mythe d'origine, donc les mythes d'origine dans toutes les cultures, c'est quelque chose de très important. D'où venons-nous? C'est une question fondamentale dans toutes les cultures. Que devenons-nous après la mort? Avons-nous été créés par quelqu'un? Toutes ces questions, c'est des questions auxquelles répondent les mythologies. Et donc le grand mythe anthropogonique, c'est-à-dire le grand mythe qui explique l'origine de l'humanité, à l'époque, c'était celui qui nous dit que, autrefois, à l'origine des temps, les humains et les animaux vivaient sous terre. Et qu'un jour, ils sont sortis. Et ils sont sortis par un passage qui est la grotte. Ce genre de mythe, maintenant, on le retrouve chez énormément de peuples d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Australie. Et on peut démontrer que ce mythe s'est répandu dans le monde entier à partir d'une source originelle qui se trouvait, grosso modo, en Afrique australe et qui s'est répandu en même temps que les Homo sapiens. C'est-à-dire qui s'est répandu en même temps que les gens qui ont fait ces images se sont répandus dans le monde entier et sont arrivés jusqu'à cette espèce d'extrême occident que constitue le monde franco-cantabrique dans lequel ils ont orné des grottes. Peut-être essaierons-nous de rejoindre le petit train. On va se réinstaller sur le train, les dossiers ont changé de sens. Nous voyageons dans le sens de la marche. Par ailleurs, pour l'orateur, ça a la chance de... Ça constitue finalement une salle de conférence sur roulette. C'est-à-dire qu'on a un public captif. Alors, dire le public est canalisé à bord du train, ça veut dire le public est prisonnier à bord du train. Donc évidemment, il ne faut pas le lui faire ressentir au public. Mais de fait, le train, c'est un outil de coercition. Merci à Marc Azéma, Jean-Claude, Carole Fritz, Jean-Michel Genest, Julien Monet, Frédéric Plassard et Jean-Loïc Lequelec. Merci aussi au Musée national de la Préhistoire et à Jean-Jacques Cléyer-Merle, Hélène Valadas, Valérie Ferruglio, Jean-Jacques Delannoy et Stéphane Konik. Bruitage, Elodie Fiat. Prise de son, Yann Frécy. Mixage, Éric Boisset. Les aventuriers du sens perdu, un documentaire de Perrine Kervran réalisé par Diffy Mariani. Moi, ce qui m'a vraiment peut-être le plus frappé, ce sont deux statuettes en argile et qui représentent deux bisons. Un mâle qui suit une femelle. Ces statuettes qui ont été faites en modelant de l'argile sur place. Ils ont détaché des plaques d'argile, ils ont amené ces plaques et ils les ont modelées sur place. Collées à un rocher, vous voyez, ça c'est... C'est vraiment tout à fait étonnant. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez prendre le train de Rouffignac, bibliographie, lien, nous podcaster pour le canoë ou nous réécouter sur les sentiers, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Vous pouvez toujours nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, troisième étape, ma grotte est malade, il faut la refermer.